Thank you.

temps gris et humide du sud-ouest au Massif central, en région Rhône-Alpes et sur le Jura, de la Bretagne et de la Normandie à l'île de France et à la frontière belge, du Val-de-Loire à la Lorraine, du nord du Massif central à la Bourgogne, le Jura et l'Alsace, en Aquitaine, Midi-Pyrénées, sud du Massif central et Rhône-Alpes, les Charentes au centre à la Bourgogne et à l'Alsace, ainsi que près du golfe du Lion, la Champagne, l'île de France, le Maine, le Morbihan, l'extrême nord de la Manche, température maximale de 100 km à l'heure. Vas-y. Putain, comment ça s'appelle grave? Grave de chez grave. Bah, je trouve ça grave.